Ajansha. Être ce qui est. Comprendre le Dhamma. Deuxième partie. Le Bouddha voulait que nous pratiquions le Dhamma. Mais qu'est-ce que pratiquer le Dhamma? Le mot Dhamma englobe tout. Les formes que les yeux voient, les sons que les oreilles entendent, etc. Tout cela fait partie du Dhamma qu'enseigne le Bouddha, car le mot Dhamma désigne tous les phénomènes existants qui, étant apparus, finissent par disparaître. Nous ne pouvons pas en attendre grand-chose parce qu'ils sont ainsi, éphémères. Il faut que nous intégrions cette vérité et que nous la voyions clairement dans notre corps comme dans notre esprit. Inutile d'aller chercher bien loin. Les éléments qui composent le corps et l'esprit ne sont ni stables ni permanents. Ils n'ont aucune réalité intrinsèque. Le Bouddha nous a conseillé de ne pas les considérer comme réels. Pourquoi vouloir considérer quelque chose qui n'a pas de réalité intrinsèque comme réel? Les choses apparaissent et disparaissent dans un état de changement constant. Où est la réalité là-dedans? La seule réalité, c'est précisément cette absence de substantialité. Le Bouddha voulait que nous voyions cette vérité. Les choses sont impermanentes, insatisfaisantes par nature et sans essence personnelle. Ne pas voir cela, et par conséquent se saisir des choses, ne peut aboutir qu'à la souffrance. Le voir et lâcher prise mènent à la liberté. Ceux qui pratiquent sincèrement sont respectueux. Pourquoi? Parce qu'ils voient le Bouddha. Quand ils s'assoient pour méditer, c'est comme si le Bouddha était face à eux. Et c'est la même chose quand ils marchent, quand ils sont debout ou couchés. Ils ne peuvent pas y échapper. Ils voient cette vérité en esprit, alors ils respectent le Bouddha, le Dhamma et le Sangha. Le Buddhasasana, c'est-à-dire l'ensemble des enseignements du Bouddha, ne s'affaiblit pas, n'est pas dilué. Il n'est pas abandonné et ne peut pas être perdu parce qu'il existe dans leur esprit. Où qu'ils soient, ils entendent le Dhamma du Bouddha. Ce concept a failli me faire exploser la tête quand je l'ai entendu pour la première fois. J'étais allé écouter les enseignements d'Ajahn Mun, et il m'a interpellé en me disant « Toi, là-bas, continue à pratiquer et écoute le Dhamma du Bouddha. Quand tu t'assois sous un arbre, écoute l'enseignement du Bouddha. Quand tu marches, écoute le Dhamma du Bouddha. Quand tu dors, écoute le Dhamma du Bouddha. » Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il voulait dire. Je n'y comprenais rien parce que cela ne relève pas de la conjecture et de la pensée. C'est quelque chose qui doit venir d'un esprit pur. Je ne parvenais pas à contempler correctement ces paroles parce qu'elles parlent de « voir véritablement le Dhamma ». Pourtant, ce n'est pas très éloigné non plus car ce qui n'est pas Dhamma n'existe pas. Nous pensons que le Bouddha a atteint le Nibbana ultime ou Parinibbana il y a très longtemps, mais en vérité, celui qui voit le Dhamma voit le Bouddha. Il est difficile de bien comprendre cela. Quand on voit le Bouddha, on voit le Dhamma. Et quand on voit le Bouddha et le Dhamma, on voit le Sangha. Ils existent dans l'esprit. Mais il faut les voir clairement, pas se contenter de jouer avec des concepts. Sinon des gens qui ne pratiquent jamais et qui n'ont rien réalisé de ce que le Bouddha a voulu transmettre, diront que le Bouddha est dans leur esprit, mais leur comportement les trahit. Ce qui connaît le Dhamma, c'est l'esprit. Et ce qui sait, est le Bouddha. Le Bouddha a enseigné le Dhamma. Il a été éveillé au Dhamma, mais il n'a pas emporté l'éveil avec lui. Imaginons que vous soyez professeur. Vous n'êtes pas né professeur. Vous avez étudié pour accumuler des connaissances, acquis une certaine expérience pédagogique, travaillez plusieurs années, et puis un jour vous prendrez votre retraite et vous mourrez. Pourtant, nous pouvons dire que le professeur ne meurt pas, parce que les vertus qui ont fait de vous un professeur n'ont pas disparu. Elles sont universelles. Le Dhamma de la réalité ultime, la vérité qui fait d'un être un Bouddha, ne disparaît pas, de sorte que nous pouvons dire qu'il y a deux Bouddhas, l'éveillé qui a une forme physique et l'éveil qui est dans son esprit. Le Bouddha a dit « Ananda, pratique bien, développe-toi bien, tu t'épanouiras dans les enseignements. Quiconque voit le Dhamma me voit, et qui me voit, voit le Dhamma. » Nous entendons les mots, mais nous ne savons pas vraiment ce qu'ils signifient. Cela paraît confus. Le Dhamma et le Bouddha et le Dhamma. Et pourtant, c'est l'exacte vérité. Au départ, il n'y avait pas de Bouddha, mais un prince, Siddhartha Gautama. C'est quand il a réalisé le Dhamma qu'on l'a appelé le Bouddha, qui signifie l'éveillé. C'est pareil pour nous. On nous appelle Georges ou Alice, ou peut-être Prince Intel, mais si nous réalisons le Dhamma, nous sommes nous aussi des Bouddhas, pas différents de lui. Comprenez donc que le Bouddha vit toujours. Où est ce Bouddha? Quoi que l'on fasse, la vérité est là. Vous pensez que vous pouvez mal agir et que c'est sans importance parce que personne ne vous voit. Mais méfiez-vous, le Bouddha voit. Le Bouddha existe toujours pour nous soutenir et nous aider à avancer sur la voie correctement et continuellement. Mais nous ne le voyons pas, nous ne le savons pas. Ceux qui pratiquent n'hésiteront pas entre le bien et le mal. Ils sont leurs propres témoins. Nous croyons que nous pouvons nous comporter mal sans que personne ne le voie. Mais c'est une illusion. Nous voyons. Où que nous soyons, quoi que nous fassions de bien ou de mal, nous ne pouvons pas y échapper. C'est ce que l'on appelle « kamma ». Note de Jeune Chute. Le mot pali « kamma » est plus connu aujourd'hui en français sous la forme sanscrite « karma », que nous utiliserons donc à partir d'ici. Attention cependant, le sens qui est donné à ce mot en français s'est beaucoup éloigné du sens originel. Fin de la note. La vérité dans les actes existe. Le Bouddha a enseigné selon ce principe. Si tous les habitants de ce monde pratiquaient et réalisaient la vérité, ils se transformeraient tous, deviendraient des Bouddhas et seraient capables d'enseigner la voie de la vertu. Donc, le Bouddha existe encore. Vous devriez vous en réjouir. Ce n'est pas quelque chose qui doive vous attrister. Pourtant, certaines personnes se sentent frustrées et disent « Oh, si seulement le Bouddha était encore de ce monde, j'aurais déjà réussi à atteindre l'éveil. » En réalité, il est encore ici, sur la voie de la pratique, le principe du juste et du non-juste. Le Bouddha appelait les humains des êtres spéciaux, en ce sens qu'ils ont la possibilité de réaliser le Dhamma. Contrairement aux animaux, par exemple, nous pouvons comprendre les concepts. Si nous sommes formés par un maître compétent, nous pouvons pratiquer et réaliser la vérité. C'est beaucoup plus facile pour nous que pour les autres espèces. Les enseignements disent qu'il est difficile d'obtenir une naissance humaine, mais nous avons du mal à le comprendre. Nous nous disons « Comment est-ce possible? Des gens naissent constamment, parfois il en est même plusieurs à la fois. » Nous ne comprenons pas bien parce que nous ne savons pas ce qu'est un véritable être humain. Nous regardons autour de nous et nous voyons beaucoup de monde, mais une personne sans vertu, par exemple, est à peine humaine. C'est une sorte d'animal qui n'a d'humain que le nom. Nous naissons dans ce monde et, en tant qu'enfants, nous ne comprenons pas ces choses-là. nous ne savons pas quoi pratiquer. Nous ignorons ce que sont la véritable richesse et la véritable vertu de l'existence humaine. En grandissant, nous apprenons de nos parents et de nos maîtres. Nous développons des vertus et devenons des êtres humains à part entière. C'est alors seulement que l'on peut dire qu'un être humain est né. En tant qu'humain, nous avons un potentiel plus grand que les animaux. Je donne souvent l'exemple du chien qui dort sur un tas de riz non battu et qui, quand il a faim, va chercher de la nourriture. Quelle que soit la hauteur du tas de riz, il ne peut pas en faire usage parce qu'un chien ne sait ni battre le riz ni le faire cuire. Il va peut-être déambuler partout à la recherche de nourriture et revenir bredouille sur son tas de riz. Couché là, le ventre vide, gargouillant, il est à la source même de la nourriture, mais il pourrait mourir de faim. Les humains ont donc un plus grand potentiel qu'ils peuvent utiliser pour faire le bien ou pour faire le mal. Une personne mauvaise, que l'on pourrait appeler un animal humain, peut même détruire toute une nation, alors que nous n'entendons jamais parler d'un chien qui aurait détruit un pays. D'un autre côté, si un être humain s'intéresse au Dhamma et pratique sincèrement, il ou elle peut accomplir des choses qui sont impossibles pour un animal. En vérité, pratiquer le Dhamma de la vertu n'est pas facile. C'est juste, mais difficile. Prenons un exemple simple. Les cinq préceptes que le Bouddha a recommandés aux laïcs de suivre et que nous sommes censés observer à tout moment. Ils permettent de mesurer la valeur d'un véritable être humain. Ces cinq préceptes consistent en s'abstenir de tuer ou de nuire à tout être vivant, ainsi qu'étendre la bienveillance à tous. Ne pas voler, respecter les droits des autres, connaître la modération et la retenue, et savoir ce qui est juste dans les relations sexuelles, parler honnêtement, et s'abstenir de prendre toute forme d'intoxicant. Si tout le monde suivait ces préceptes, il n'y aurait pas beaucoup de problèmes dans le monde. Même sans réaliser le Dhamma, il y aurait peu de conflits, et notre monde serait vraiment humain. Il ne faut pas grand-chose. Ceux qui respectent ces cinq préceptes se sentiront bien. En évoquant leur passé, ils seront en paix parce qu'ils n'auront fait aucun mal, et quand la mort viendra, ils n'auront aucun regret. Nous étudions donc d'abord dans le but de devenir de véritables êtres humains. Soutenir l'arbre du bouddhisme en faisant des offrandes méritoires est très bien. Cela correspond simplement à l'écorce et aux feuilles, mais c'est déjà bien. Un arbre a besoin d'écorce, n'est-ce pas? Quand vous faites des dons et que vous participez à des cérémonies, faites-le dans un bon esprit, sans avidité ni ignorance, mais comme un bouddhiste qui croit en la cause et les faits. Quand vous rentrez à la maison et que l'on vous demande « Tu es allé au monastère? As-tu gagné des mérites ?» Vous pouvez expliquer ce qu'est réellement le mérite. Ainsi, cette forme d'activité devient « upaya », c'est-à-dire un moyen habile. Enseigner est aussi un moyen habile. Comprenez cela. C'est la convention. Le vrai Dhamma est quelque chose que nous ne pouvons pas voir avec les yeux ni entendre avec les oreilles. Quand une institutrice enseigne à ses élèves, elle prend des exemples comme « Monsieur X a tant d'argent ». En réalité, il n'y a pas de Monsieur X. L'institutrice utilise la créée pour créer ce personnage sur le tableau. Est-ce Monsieur X? Oui. En tant que supposition, en tant que convention, mais il ne peut pas se mettre à courir et à s'activer. Nous pouvons parler de ce Monsieur X dans le but d'apprendre quelque chose, mais il ne peut pas sortir du tableau et se mettre à bouger. c'est un upaya, un moyen habile. Il n'y a pas de Monsieur X. Nous utilisons la lettre X uniquement dans un but précis et nous imaginons que cette personne existe. Si nous sommes simplement attentifs à nous-mêmes, avec une claire compréhension, nous pouvons pratiquer correctement. Certains se disent « Je n'ai pas le temps de méditer, je suis commerçant, il faut que je vende des marchandises. » Mais dites-moi, pendant que vous faites des affaires, respirez-vous? Si vous avez le temps de respirer, vous avez le temps de pratiquer le Dhamma. La méditation n'est rien d'autre que cette attention, cette sensibilité à l'instant présent. Mais si je vous dis de méditer pendant que vous vendez vos marchandises, vous allez croire que je vous suggère de vous asseoir sur la place du marché les yeux fermés. Être attentif, c'est être conscient de ce que vous faites au moment où vous le faites. Aujourd'hui, avez-vous parlé, agi ou pensé mal? Si vous avez été attentif, vous devez le savoir. Alors n'allez pas croire que pratiquer le Dhamma signifie qu'il faut devenir moine ou nonne et vivre dans un monastère. Quand vous faites des affaires, que vous rangez la maison ou que vous écrivez, peu importe, c'est comme pour la respiration. Vous ne réservez pas une période de temps particulière pour cela. Même en dormant, vous respirez. Pourquoi? Parce que la respiration est indispensable à la vie. C'est même un nutriment extrêmement fin dont on ne peut se passer plus de 2 minutes. On peut se passer de mets délicieux pendant 2 heures ou 2 semaines, mais combien de temps peut-on se passer de respirer? C'est pour cette raison que le Bouddha nous a recommandé de contempler la respiration en associant l'air qui entre et qui sort aux syllabes « bu » et « do ». Note de Jeanne Chute. Dans la tradition de la forêt de Thaïlande, il est recommandé de développer le calme de l'esprit en observant la respiration au niveau des narines et en l'accompagnant mentalement du mantra « Buddho ». Fin de la note. Toutes les parties du corps dépendent de la respiration. C'est la nourriture suprême. Quand on médite, on l'observe de près et on voit à quel point elle est précieuse, plus que l'argent, l'or ou les diamants. Si l'air est là mais ne pénètre pas dans vos poumons, votre vie s'arrête. Si vos poumons s'ouvrent mais que l'air manque, vous êtes mort. Voir la fragilité de la vie grâce à l'observation de la respiration, c'est méditer sur le rappel de la mort. Réaliser ce simple fait, à savoir que si l'air entre mais ne sort pas, ou bien si l'air sort mais n'entre pas, la vie s'arrête, suffit à ébranler l'esprit et cette secousse vous réveille. Votre point de vue sera transformé et votre comportement changera en conséquence. Vous n'oserez plus commettre de mauvaises actions et vous regretterez sincèrement d'en avoir commis. Vous ne serez plus aussi enclin à suivre vos impulsions de désir ou d'aversion. Votre degré d'attention grandira naturellement et la sagesse arrivera en renfort et vous enseignera toutes sortes de choses. Intéressez-vous à votre souffle. Accordez-lui votre attention et différentes formes de sagesse vont apparaître. C'est facile parce que nous sommes toujours accompagnés par la respiration. Quand vous vous allongez, vous pouvez fixer votre attention dessus jusqu'à ce que vous vous endormiez. C'est vraiment facile. Et que vous soyez moine, nonne ou laïque, votre esprit en sera purifié et pacifié. La méditation est là pour nous aider à dépasser la souffrance. Elle nous permet de distinguer le juste du faux. Mais si nous ne pratiquons pas, nous ne voyons pas les choses clairement. Quoi que nous fassions, nous devons le faire avec conscience, en sachant ce que nous faisons. C'est ainsi que le Bouddha voulait que vivent ses disciples.